Alors, le point principal, en effet, une certaine irritation peut-être à l'égard, je dirais, d'espérances qui me semblent faciles et dangereuses. L'espérance, n'est-ce pas, qu'il y avait une sorte de mouvement irrésistible de l'histoire qui allait nous faire passer d'une forme barbare de la vie commune, celle de la vie séparée en nations, à une forme où nous laisserions derrière nous ces oripeaux barbares et où nous nous réconcilierions dans une sorte de civilisation sans frontières, ni au fond gouvernement, et où nous serions dispensés de former un peuple, si vous voulez. C'est cette, si quelque chose a fait suscite ma réticence, mon anxiété, parfois mon irritation, c'est en effet cette espérance qui me paraît nous faire sortir de l'expérience humaine universelle, qui est que pour vivre humainement, nous devons constituer des formes et des régimes politiques, dont l'État-nation, encore une fois, juste, je ne prétends pas que l'État-nation soit l'alpha et l'oméga de toute chose, simplement, c'est notre cadre et notre instrument politique depuis des siècles. Et si l'on en forme un autre, il faut bien se rendre compte que c'est très difficile et ce sera très douloureux. Thank you. Faire régaler. Soyez donc détective. Après avoir commandé un dessert, Louis Lheureux se leva pour aller au... Où c'est ? Je restais seul devant un morceau de brie. Je l'avalais en parcourant un journal de la veille, raflé sur une chaise voisine où il traînait. Monsieur René Coty, second président de la 4e République, avait adressé le message traditionnel aux deux chambres. Émile Buisson, l'ennemi public numéro 1, comparaissait devant la cour d'assises en compagnie de tout son gang. Crise du logement à Berlin, où les représentants des quatre grands n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le choix d'un local. Les recherches pour retrouver le tableautin de Raphaël Fauché au Louvre, le tableau et son voleur, n'avaient encore donné aucun résultat. À Londres, un auteur de romans policiers trouvé mort pieds nus dans la rue posait sa dernière énigme à Scotland Yard. Au Maroc, le... Brusquement, je regardai l'heure. Ma montre était arrêtée. Je me démanchai le cou pour consulter le cartel fixé au mur de la grande salle. J'envoyai promener le journal. C'était bien ce que je pensais. Lheureux avait quitté notre table depuis un sacré bout de temps. Trop de temps pour qu'il revienne maintenant. Sacré farceur. Il avait filé à l'anglaise. Ils en ont de Gauloises ces péquenauds. Je me chatouillai pour me faire rire. C'était encore le meilleur parti à prendre. Mais je n'y parvins qu'imparfaitement. J'appelai le garçon et lui réclamai l'addition. Vous n'attendez pas ce monsieur ? Dit-il en désignant la chaise vide d'un mouvement de son menton mal rasé. Je grognai. Soyez pas le second à vous foutre de moi en si peu de temps, voulez-vous ? Ce n'est pas avec le pourboire que je lui laissais qu'il pourrait enlever une actrice du français. Without a smile, buttermilk was on her chin, same color as. gars qui peuvent payer. Je connais tout Paris et puis le reste aussi. Mes connaissances civiques et leurs femmes que je fréquente évidemment. Les cordons de la bourse se relâchent pour moi. Il n'y a plus de secret, je suis le roi des rois. Explosez le dimanche, pulvérisez l'audience. Et qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voix, c'est ma chance. J'adore les émissions à la télévision. Pas le temps de regarder, mais c'est moi qui les fais. On crache la nourriture à ses yeux affamés. Vous voyez qu'il demande, nous les savons à vivre. De notre pourriture, mieux que de la confiture. À des cochons. Jackie Eldorado. J'ai entendu parler pour la première fois du punk rock, qui ne portait d'ailleurs pas encore ce nom, par un article sur le premier Ramones à la mi-76. J'allais encore à l'école, dans un lycée artistique. Les freaks y faisaient la pluie et le beau temps. J'avais pour tous ces gens une assez large palette de provocations. Ce qui marchait mortellement bien à tous les coups, tu sculptais une croix gammée sur le banc et tu te chopais promptement un prof 68 heures sur le dos qui surinterprétait totalement et trouvait tout cela horriblement flippant. J'ai compris assez tôt que je ne pourrais jamais arriver à rien sur des bases qui manquent autant d'humour. J'ai ensuite papillonné de colocation en colocation à Berlin. Il y avait des machins très durs, des colocations marxistes-léninistes où les gens vivaient tous dans la même pièce et organisaient des débats interminables sur la moindre merde. Mon intérêt pour la musique, la mode et la hype vint plutôt de ma phase David Bowie, Lou Reed. J'ai commencé à réaliser que j'aimerais faire autre chose de ma vie que rester à la maison et imiter mes parents. Et là, j'ai découvert d'un seul coup qu'avec le punk rock, je pouvais briser pas mal de tabous. On pouvait enfin dire quelque chose contre les hippies. Je me suis rapproché de gens très différents, mais qui aimaient tous le punk rock. Anciens glam rockers, pas mal de gays ou de gens dans la mode. Chez nous, ça n'était pas comme en Angleterre. En Angleterre, la coupure avait eu lieu, les gens disaient « Bon, la merde hippie est terminée, maintenant nous faisons notre truc ». Moi, au contraire, quand j'ai commencé à travailler au jungle, j'avais encore les cheveux longs. Extrait de Dilapide ta jeunesse. It's about Pavlov's dogs. Pavlov's dogs. Pavlov's dogs. You know them. Pavlov's dogs. We'll be right back.

Ça empira, les vraies chocottes. Mix déposa son arsenal sur le rebord d'une fenêtre et bourra ses poches de munitions. Balles pour le 38 et chargeur de rechange pour l'automatique. Il fourra le cran d'arrêt dans sa ceinture, couvrit la fenêtre arrière avec le matelas, entr'ouvrit la fenêtre de façade pour un peu d'air. Une petite brise vint rafraîchir sa suée. Il regarda des gamins espingos au dehors qui se renvoyaient une balle de baseball. Il resta là sans bouger. Des dos mouillés vinrent se rassembler dans la cour, doigts pointés sur le soleil, comme s'ils lisaient l'heure grâce à lui, impatients que le camion arrive. Du boulot de forçat, rein cassé, pour 3 repas chauds et une paillasse. Le jour se mit à baisser. Les ramasseurs de faillots se mirent à bavasser. Mix aperçut 2 blancs, un gros lard, un petit sec, qui pénétraient dans la cour. Ils firent signe du bras, genre copain-copain. Les espingos leur rendirent leur salut. Ils ne ressemblaient pas à des flics ou à des nervis de Cohen. Mix sortit de la pièce, le calibre 10 planqué dans le dos. Extrait de L.A. Confidential, James Ellroy. Trust trees, smile at me. upwards to the sky, moving forward all the time. The sidewalk lines, dunk-a-dunk-a-dunk-a-die. It's warm in here, it's cold down there. Around out where I can only stare. I'm still aware of little, but I'm gonna try. I'm gonna try. J'ai été très impressionné hier par le documentaire sur Arno Schmidt, encore disponible pour quelques heures sur Arte Plus 7. Si ses livres « Vache en demi-deuil » et « Soir bordé d'or » m'accompagnent désormais, en français depuis quelques années, me posant depuis leurs images et mes étagères, entre autres la question du langage ainsi que celle de l'engagement et de la dévotion que représente toute entreprise de traduction, le documentaire « Le cœur dans la tête » diffusé sur Arte m'en apprend plus sur l'homme et sa vie, sa profonde autonomie, dont je n'avais eu qu'un goût jusqu'à présent. Sa pratique, ses choix de vie m'assaillent de nombreuses questions, dont celle de la dialectique de l'engagement dans l'œuvre, qui nécessiterait le retrait de la vie. We'll be right back. pour réaliser ce livre, où il décrit par force image tous les reflets d'une journée à Barkfeld, le village où il est installé, Arnaud Schmitt a utilisé tout un système de fiches dans lesquelles il note ses impressions avant de les classer puis de les assembler. Par la démesure de l'œuvre, par sa taille géante, le volume de temps et d'engagement qu'il y consacre, Arnaud Schmitt forge une hyperbole qui puisse donner de l'imagination, du travail à l'œuvre, dans toute reconstitution, une représentation qui marque. If he could travel time, he would have been on time instead of making rhyme. He didn't need no band, he was a mountain man. Oil, the national turmoil, inhaling in the soil, a singer and his spoil, just a singing. Thanks. Thank you. I got my own gas tank. And there's no time for the man who has sold his part. And there's no time. And there's no time for the man called night. Thank you. À propos de son chef-d'œuvre, Zettel's Traum, un livre format folio de 1334 pages, inspiré par James Joyce et jamais traduit en français, il dit « Je laisse au rimailleur patenté le soin de décrier la primauté de la prose et je les laisse croire que le nec plus ultra sera toujours un beau poème. Je ne sais pas, mais il me semble que les choses sont un peu moins évidentes. Je crois qu'une vaste œuvre romanesque à laquelle un auteur des plus talentueux, un Aner Myrionus, quoi qu'on ait voulu dire par là, consacre une décennie, voire deux de son existence unique, a plus d'importance aux yeux du lecteur que le sonnet le plus éthéré du plus verruqueux des tailleurs de mots. Car le lecteur, à juste titre, en veut pour son argent, et c'est une évidence. » Like I have tried to write on things that I think that there's a need for. In other words, I don't want to just write for the sake of writing, to crank out like yet another book on how to do the LBRP or something. Right, another rehash. Right, exactly. So I want to fill a hole, not only create original material, but I want to fill a hole that I see needed. And with the first book, I kind of saw the best texts on protection magic getting a little bit outdated, like Dion Fortune's book and so on. Sure. It's a wonderful book, but, you know, we know now that witches aren't really out to blight your crops and that they really aren't, you know, lodges of black magicians who are just out to do evil for the sake of being evil because they right. love evil. Right. You know, I wrote the Protection and Reversal Magic book to kind of update that. And what I had seen since then is a lot of people who were getting involved in magic and witchcraft and in all the occult arts and not really being able to make it work in terms of practical magic. Right. You know, they would try out a spell or two or a ritual or two, and it just didn't manifest for them. Outside the temple, so to speak, like in the real world, basically. Yes, outside the temple. You know, I'm speaking not only of things outside the temple, but even changes within the mind. Sure. But certainly when it comes to affecting the mind of another or just creation of fortuitous events, people were not... They had expected. And so people were either looking at magic solely as a spiritual pursuit or witchcraft solely as a religious pursuit. And what I wanted to do is share some of the secrets that I've picked up over a 20-year career right. of how to actually get this stuff to work. And that's what Sorcerer's Secrets is all about. Okay. It's strategies for changing your life for the better using real magic that really works. Now you're overcrowded. Il rêve d'un garçon qui a peut-être 13 ans, peut-être 12. Son corps fait une tache blanche dans la pénombre d'une église. Ses genoux paraissent gros en regard de la maigreur de ses cuisses. L'os des coudes semble si pointu qu'il paraît prêt de crever la peau. Il est agenouillé sur un prie-dieu et, sauf un grand slip à poche qui lui remonte sur le ventre, il est nu. Il murmure « Pater noster, quies in caeli sanctificetur nomen tuum ». À sa droite, à un mètre environ, un prêtre est assis, ses gros doigts tripotant le chapelet accroché au cordon qui ceint sa soutane à la taille. Il fait très froid dans l'église silencieuse, le prêtre est engoncé dans un blouson au col doublé de mouton. L'enfant frissonne, ses yeux papillonnent, sa tête dodeline, il penche vers la gauche, semble sur le point de choir, puis se redresse, écarquille les yeux. Ses lèvres reprennent leur murmure, « Adveniat, fiat voluntas tua ». Le prêtre ne détache jamais son regard de ce corps d'enfant où les côtes saillent. Ainsi plié dans la génuflexion, avec ses membres longs et maigres et son dos où les vertèbres forment une espèce de crête, on dirait un insecte géant qui agonise. La tête de l'enfant part en arrière. Panem nostrum, chote-t-il, puis, lentement, il s'affaisse au sol, s'y recroqueville en fœtus, pousse un grand soupir, s'endort. Quelques secondes passent. Ensuite, le prêtre se lève. Un méchant rictus retrouve ses lèvres. Il prend l'anse du seau métallique. L'eau glacée arrache l'enfant au sommeil pour l'enfoncer dans la suffocation. Extrait de Saturne de Serge Quadrupani. Thank you. disons, de premier contact. Ça veut dire qu'il y avait très peu de contact avec tout le monde des Blancs. Ça m'a frappé, cette vie tellement... des gens qui étaient vraiment liés absolument à leur propre culture. Ils vivaient dans la forêt, très loin de tout, et ils maintenaient leurs coutumes, leur vie traditionnelle. Et puis, à part cela, ils étaient très gentils. Ils m'ont très bien reçu. You c'est vrai qu'il y a, il y a quand même dans le dispositif européen, il y a toujours un échange d'allégeance, si vous voulez, un échange de services et d'allégeance. Je t'obéis, mais tu me protèges, par exemple. Bon. Ou bien je me dévoue à ta continuation, à ton progrès, mais en même temps, tu me donnes une éducation. Bon. Et il me semble que notre nouvelle moralité, en quelque sorte, s'est de plus en plus éloignée de ce principe éternel, je dirais, de la justice, pour nous placer dans une situation où nous ne sommes plus que titulaires de droits et où nous sommes sortis de cet échange de service et de loyauté. Et donc, désormais, l'institution politique, nous la concevons uniquement comme un instrument à notre service, un instrument fonctionnel. Et là, je crois que cela rend la vie commune extrêmement difficile, parce qu'en même temps, cet instrument fonctionnel, nous voyons bien qu'il nous échappe. Et nous nous trouvons dans cette situation où les institutions politiques, nous les éprouvons comme non représentatives, et nous leur demandons de nous représenter enfin. Et en même temps, comme elles nous sont devenues étrangères et que nous avons assimilé cette idée qu'elles sont à notre service, nous ne voulons plus rien leur donner. Sorti de l'ascenseur, un type assis non loin de là sur une banquette se leva et vint vers moi. C'était Chassard, collant de nature. Il avait repris un air plus faro. « Je ne vous en veux pas, » dit-il. « Moi non plus, » répondis-je. « Alors ça gaze. Vous demeurez ici ?» Pensez-vous, pas les moyens. Je crèche dans un petit hôtel de la rue Saint-Roch. Je ne vous demande pas de détails. Mais moi, je vous les donne. Vous êtes détective, n'est-ce pas? Je voulais vous offrir un verre. On peut? On peut. Vous avez de l'arsenic sur vous? Il y a une pharmacie pas loin. Parfait. Nous quittâmes le transocéan, bras dessus, bras dessous, où peut s'en faller. Nous allâmes nous rincer la dalle dans un petit bar discret de la rue Cambon. « Vous devez me prendre pour un salaud, hein ?» dit Chassard. « Pas plus. »« Oh, merde! Vous avez vu comment qu'elle est roulée, cette Janie? Que voulez-vous? Ça me travaille, moi. Je la guigne depuis longtemps, mais va te faire foutre. Alors quand j'ai appris que son Jules était un truand... »« Comment l'avez-vous appris? Il n'y a rien dans les journaux. »« Je me fous des journaux. » Dans le coin, ça s'est su. Alors je vous dis, quand j'ai appris que son Jules était un truand et qu'il s'était fait buter, j'ai tenté ma chance. Ne la tentez plus. Ça va. N'empêche que... J'ai dit ça en l'air, mais... Après tout, elle pourrait bien l'avoir bousillé. Vous croyez pas? D'après les journaux, les flics ne la soupçonnent pas. Je me fous des journaux. Vous y croyez, vous, au canard? Non. Alors? C'est ma cliente. Au fait, c'est ou c'était? C'est. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Ne recommencez pas à vouloir la posséder à la chansonnette. Oh, ça va. J'essaierai d'en ramasser une rue Comartin qui lui ressemble, si j'ai assez de fric. Bon, c'est votre cliente et je voudrais pas la bêcher, mais enfin, c'est quand même louche, cette histoire de tableau. Vous connaissiez l'arpent? Non, entreaperçu, de loin, c'est tout. Bon Dieu, faucher un objet de musée, et ça se vend des peintures comme ça? Bien sûr. À qui? À des collectionneurs. Cher? Plusieurs millions. Paraissez bien regardé. C'est dans les journaux. Je me fous des journaux. Hé, garçon! Il fit renouveler les consommations. Il avala la sienne d'un trait. Je me fous des journaux, répéta-t-il. Mais je me fous pas de cette morue. Il me coula un regard torve. Il avait déjà bu avant de monter chez Geneviève Levasseur. Il était en train de se finir. Il faudra vous en foutre, dis-je. Ou en tout cas changer vos méthodes de séduction. Il grimaça. Il semblait sur le point de pleurer. Vous coucherez avec, dit-il. Vous êtes plus vieux que moi, mais vous coucherez avec. Tout le monde, décidément, voulait que je couche avec. Bon, bon, on est serré. Je ne suis pas contrariant. Je suis plus jeune que vous, poursuivit-il. Mais je sens le vieux, moi, la vieille peau. Ouais, vous vous êtes pas gouré. C'est avec ça que je bouffe, moi, des vieilles peaux, de sales vieilles peaux toutes ridées, dégueulasses, qu'il ne faut pas trop chahuter. Elles foutent le camp de partout, ça tient avec des épingles, de la colle, de l'onguent, de la crème de beauté. Oh merde, crème de beauté, crème de mocheté, oui. J'étais connu dans le coin il n'y a pas si longtemps. Je m'en suis tapé des grognasses, des duchesses, des marquises, de vieilles vaches qui m'habillaient, me logeaient, me nourrissaient, mais ne me filaient pas un rond, ou si peu. Et pas moyen de se farcir des jeunes. Elles me renifent de loin, les jeunes. Je sens la vieille barbaque. Avec du fric encore, mais sans fric. Je ne sais pas ce que je ferai, moi, pour me procurer du fric. Je n'allais pas lui conseiller de travailler. Je dis, faites un casse. J'ai trop les jetons, dit-il avec une sincère naïveté. Et c'est parce que j'ai toujours eu les jetons que ces ordures de vieilles et de vieux m'ont possédé. De vieux? Il me gratifia d'un regard torve. « Ça va, je débloque. »« Ouais, on dirait. »« Tenez, vous devriez m'embaucher chez vous, ça me purifierait. »« Impossible. Vous avez les jetons, vous l'avouez vous-même. »« Et après, qu'est-ce que ça peut foutre? Pour poser des questions à des pipelettes ou suivre un bonhomme, pas besoin d'être d'Artagnan. Le boulot de détective, merde, mais en quoi ça consiste? Divorce, renseignement, intermédiaire, peut-être, mais intermédiaire en quoi? Hein? Pas bien dangereux, tout ça. Vous n'allez pas me dire qu'il faut trimballer un pétard? Des fois. Comme les gardes du corps d'Al Capone? Pourquoi pas. Vous en fournissez beaucoup, des gardes du corps? De temps en temps. Rien pour moi là-dedans, alors? Pas à première vue. Tant pis, mais je ne désespère pas. Si un jour ça se trouvait... Là-dessus, je vais me tirer. J'ai besoin de respirer de l'air frais. Laissez ça. For one heart to carry on. You're way on top now. Since

nous trouvons dans cette situation où, très caractéristiquement en France, n'est-ce pas, nous refusons d'obéir aux lois votées par le gouvernement légitime et symétriquement, le gouvernement légitime dédaigne d'écouter ce que nous lui disons dans les élections. Another train that's coming is the one Curtis Mayfield's singing about. People get ready. There's a train coming. Don't need no ticket. You just get on board. Where do I put my luggage? People get ready. There's a train coming. You don't need no baggage. You just get on board. Thank the Lord. So people get ready for the train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key. Open the doors and board. Against the kingdom's throne. So people get ready. There's a train coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is faith to hear the Jesus humming. Don't need no ticket. You just thank the Lord. That was Curtis Mayfield and the Impressions. People get ready. Et à partir du moment où, si vous voulez, les constituants de la vie commune sont ainsi disjoints, en effet, nous entrons dans une ère de, je pense, de grand et profond désordre extérieur, économique, sociaux et intérieur, dans ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur. The wind blows, and I can't see it. Sunshine's bright, but I can't touch it. Raindrops, I can't count. Thank you. wake up, you put on a new disguise. How long did you think it would take me to realize? Girl, the things you wore ain't real. You never tell me just how you feel. Girl, you could be so very beautiful when you are who you are. People never seem to want to be themselves, so they end up running in circles, confused. Yes, confused, just like everyone else. Come on, Norberto. Expérience certainement française, si je comprends bien. Alors là-dessus, je ne veux pas trop me prononcer, mais il me semble difficile de prouver que ce malaise ou toutes ces difficultés qui existent maintenant en France sont dues à la construction européenne, au droit international, au droit humanitaire, à l'installation des droits de l'homme au-dessus de l'État-nation, etc. Je ne pense pas que c'est là la cause de ces développements, mais encore une fois, je ne connais peut-être pas suffisamment bien les conditions, mais je peux tout simplement dire qu'il y a d'autres États en Europe, d'autres peuples, où la situation est très différente. Donc, on ne peut donc pas faire un argument direct entre le malaise, un argument causal direct entre le malaise en France et la construction européenne. I've been loving you all my life. I've been loving you, but I've had no regrets since I found you. There'll be no looking back now that I've got your love. I could be wrong, but baby, I doubt it, 'cause I found you. D'abord, je ne pense pas que le malaise politique profond soit exclusif à la France. Après tout, nous ne sommes pas les seuls à avoir voté contre le traité constitutionnel. Les Hollandais, on ne peut pas imaginer pays plus différent par ses mœurs politiques, par ses mœurs en général de la France en Europe que la Hollande. Et pourtant, ils ont voté aussi négativement que nous à l'égard du traité constitutionnel. Change my life. if you don't really care. Baby, baby, baby, just a big hit scar. Tell you what I'm gonna do. Give you love like you never knew. Make it stronger every day. Just say you be my lady. And you'll change my life with make, make it right. And be my lady, lady, lady. Si nous avons ce malaise si propre à la France, c'est peut-être aussi parce que, en tant que pays fondateur de l'Europe, nous sommes le pays qui a, je dirais, peut-être le plus espéré dans l'Europe, n'est-ce pas ? Le pays qui a le plus accordé, je dirais, spirituellement à l'Europe. Et certainement, peut-être plus que dans d'autres pays, la classe politique française et la classe intellectuelle, alors je ne veux pas du tout séparer une mauvaise classe politique et un bon peuple qui est manipulé ou exploité par la classe politique, mais disons, les gouvernants ont été, en Europe, les gouvernants français, depuis de nombreuses générations, je crois, parmi ceux qui ont le plus espéré dans l'Europe et accordé à l'Europe, et qui donc qui ont le plus contribué à délégitimer leur propre position comme hommes politiques représentant le peuple français. Et donc, la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est que, ou dans laquelle nous nous trouvons avec eux, c'est que nous vivons toujours dans nos nations, principalement, et la légitimité politique supérieure a émigré à un niveau supérieur que l'on ne sait pas très bien où loger. C'est pas vraiment à Bruxelles, c'est pas vraiment à Strasbourg, mais dans un lieu sans lieu que nous appelons l'Europe. Thank you. Bien sûr, il serait ridicule de faire de l'Europe la cause de tous nos maux. En même temps, il y a, si vous voulez, il y a eu un désir d'Europe, comme on dit aujourd'hui, très propre à la France et qui donc aujourd'hui est très particulièrement déçu dans notre pays. Et en cet instant, avec une précision égale à celle du tracé d'une feuille pressée dans le plastique, elle entendait résonner cette phrase dans sa tête. Au loin, en contrebas, sur la gauche, où se trouvait le parking de l'école, le chapelet des lampes à arc en dessinait nettement les contours, bien que les bâtiments même fussent invisibles dans la nuit. Une puissante étincelle jaillit comme si Dieu avait battu le briquet. C'est là que se trouvent les réservoirs à mazout. L'étincelle vacilla, puis fleurit en une boule orange. Maintenant, on distinguait clairement l'école et elle était en feu. Most of the time when I'm all alone with you, picking up pieces of my life. Sometimes there's ones I just can't find, but they found a home with you. Oh, I'm not afraid to be alone, but being alone is better with you. Life is better with you. Life is better with you. Whoa, whoa. Life is better with you. And when I think about the things that we've been through, I know just one thing is true. Life is better with you. Some days are better than other days, but these days, life is better with you. Some days are better than other days, but these days, I give you all that you need with my heart and my hand, saying please, baby, please, because nobody does that thing you do better than you. And thoughts do swim around in my head for all the words that we ever said. My favorites remain, I love you. Whoa, I'm not afraid to be alone, but being alone is better with you. Life is better with you. Whoa, whoa, life is better with you. Whoa, whoa, life is better with you. And when I think about the things that we've been through, I know just one thing is true. Life is better. Every day's not Valentine's, but you make me feel it most of the time with you. You. And all my life I've tried to find the one who makes me feel the way you do. You. Some days are better than other days, but these days life is better with you. Some days are better than other days, but these days life is better with you. When I think about the things that we've been through, I know just one thing is true. Life is better with you. Whoa, whoa. Life is better with you. Whoa, whoa. Life is better with you. Whoa, whoa. Yes, it is. Life is better with you. Déjà, Sou courait vers le placard pour y prendre son manteau quand la première explosion, sourde et puissante à la fois, fit trembler le plancher sous ses pieds et cliqueter la porcelaine de sa mère dans le buffet. Extrait de Nous, survivants du bal tragique par Norma Watson, paru en août 1980, extrait publié dans le Reader's Digest dans la série Les drames vécus. Et tout s'est passé si vite que personne n'a vraiment compris ce qui arrivait. Nous étions tous debout en train d'applaudir et de chanter la chanson de l'école. Alors, je me trouvais à la table des appariteurs, juste devant la porte d'entrée, et je regardais la scène. Un objet métallique a brillé, pris dans le feu des projecteurs placés au-dessus de la scène. J'étais avec Tina Blake et Stella Oran, et je crois qu'elles aussi ont vu ce que je voyais. Don't you worry, for I'll be there with all the love you need. Baby, don't you Tout à coup, il n'y a eu comme une cataracte de liquide rouge qui tombait du plafond. Une partie a éclaboussé la fresque qui en dégoulinait de partout. J'ai su tout de suite, même avant qu'il soit touché, que c'était du sang. Stella Oran croyait qu'il s'agissait de peinture, mais j'avais eu une espèce de prémonition comme le jour où mon frère s'était fait renverser par une charrette de foin. Ils en étaient inondés, Carrie surtout. On aurait dit qu'elle avait été plongée dans un tonneau de peinture rouge. Elle est restée assise sans faire un geste. L'orchestre qui se trouvait le plus près de la scène, Josie et les Moonglows, a reçu des éclaboussures. Le premier guitariste avait une guitare blanche et elle était aspergée de sang. J'ai dit « Mon Dieu, c'est du sang !» your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. Whatever comes our way, yeah, baby, gonna make you happy. Take your weapon to love and bros. Fire your guns at once and explode into space. Like a true nature child, we were born to be wild. We gon' climb so high, we're never gonna die. Tout de suite, Tina a poussé un hurlement épouvantable qui s'est répercuté dans toute la salle. Les gens s'étaient arrêtés de chanter et il y a eu un grand silence. J'étais incapable de bouger comme enraciné au sol. J'ai levé la tête et j'ai vu ces deux sauts qui se balançaient au-dessus des trônes en s'entrechoquant. Il en dégouttait encore du sang. Tout à coup, ils sont tombés, entraînant les ficelles auxquelles ils étaient accrochés. L'un des deux atteint Tommy Ross à la tête. C'était un saut en fer. Il a résonné avec un bruit comme un gong. Cela a fait rire quelqu'un. Je ne sais pas qui c'était, mais ce n'était pas du tout un rire gai, amusé. C'était un rire terrible, saccadé, hystérique. Et au même instant, Carrie a ouvert grand les yeux. C'est alors qu'ils se sont tous mis à rire, même moi. Dieu me pardonne, c'était tellement, tellement baroque. You said